et l'intrépide Tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison sa négresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri qui traînait piteusement sous les petits trèfles blancs de la galerie.